J'ai pas attention à propos de tout. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد خدنا أمس وللحمد الفعل الأمر طيب عندك وهبي ما هو الفعل الأمر العربية أصلا اسكو تي بو معنى هو ما يطلب حصوله بعد الزمان التكلم أو قلنا زدنا فيل أو مع الاستمرار لماذا قلنا مع الاستمرار؟ Le fait de dire un impératif si je dis à quelqu'un de sortir, ça demande quoi cette action après que j'ai parlé? Mais faut, c'est-à-dire quoi? On va comprendre qu'il ne faudra pas sans arrêt qu'ils sortent. Voilà qui zidna shay mada qadiyati li dawam. La continuité, quand est-ce? Par exemple, si tu dis à quelqu'un, salli. Hal ma'na salli, c'est de l'impératif là. Est-ce qu'il faudra qu'il prie juste après que tu lui dis, après qu'il s'arrête là? Mais faut, mada? Hakada. Barakallahu fikum. Taïb. Alamat. L'amr. L'asli maïa. Hamza. La terminaison de base, la sukun. Taïb. Barakallahu fik. Comment on forme le mudara, ya Ayman? Le mudara. L'amr. On prend le fi'l ou le mudari. C'est-à-dire, on prend autant du mudara, na'am. On enlève alamat le harf le mudari. C'est l'ahsan, c'est-à-dire, on enlève la lettre du mudara qui sera. On va prendre là le ta. Donne-nous un verbe pour qu'on travaille avec. Par exemple, tadhabu. On supprime le ta. Taïb. Donc on a tadhabu, dahaba. La dahaba. Tadhabu. Taïb. Comme dans la langue arabe. Il manque quelque chose encore. Non, je continue. Ah, tu veux, Taïb, tu veux recommencer par le. Comme dans la langue arabe, on commence pas avec un sukun. Ouais. On ramène le hamza. Taïb. Et ensuite, à la fin du verbe, il faut qu'il y ait un sukun. C'est-à-dire, on mettra une sukun. طيب. Et maintenant le hamza qui est au début du verbe, quelle haraka apprend? Ça dépendra de l'avant-dernière lettre du verbe. Très bien. Si c'est une kasra ou là une fatha, la hamza, il y aura une kasra. Non, ça veut dire hamza tlwa, si c'est la quoi? Une kasra. Et si c'est une dhamma? C'est si l'avant-dernière lettre du verbe ce serait une dhamma, on dirait, il aura le son de octo ou autre. Le fumada, inshallah, on répète une dernière fois. Comment former le fi'l al-amr? On ramène le verbe au mudara, tadhabu. Mefoum ? On supprime la lettre du mudara, qui est le ta. Taïb ? Et quand tu dis tadhabu, la lettre, la première lettre du verbe, c'est quoi ? Le dhal. Et le dhal, il y a une sukun. Taïb ? Oui, on a dit que dans la langue arabe, on commence pas un mot avec une sukun. Taïb ? On a ramené al-hamza. Taïb ? Et la terminaison du amr, al-asmaya, al-sukun. Taïb ? Maintenant, il nous reste une règle, c'est quoi? Quand est-ce qu'on dit idhab okto? On se réfère à l'avant-dernière lettre de quoi? Du verbe. Si c'est une dhamma, on dira okto, otrol. Si ce sera une fatha ou une kasra, on dira quoi? Idhab ou ijlis. Me font madame, inshallah? Tout le monde a compris? Taïb. عندك يا محمد تا كومبري كوم انا اون فورمي لو مضارع لو امر طيب فورمو لو مضارع لو امر دو اكلا اكلا ياكل كل سي سا سي سي ان اكسبسيون احسنت طيب اكلا ياكل سي اون ابليكي لا ريغ كون فيني دير اون اوري تروفي كوا باغ اكزومبل تاكل اون اوري سوبريمي لا لتر دو مضارع كي تي التا طيب اي لون سوتروفي كوا افيك الهمزه مفهوم تاكلوا سير سي تو رامني الهمزه طيب سا فو لفيغي دون الصرف tu vas te retrouver avec quoi avec une hamza puis une autre hamza ce que ça fera par exemple tu diras à quelqu'un oh cool مفهوم اذا la langue arabe ici بكثره الاستعمال c'est à dire ils l'ont beaucoup utilisé akala saala akhadha et amara تخفيفا يقولون كل خذ Mfoum hada? Tout le monde a compris? Oui. Il y avait beaucoup de verbes. Hein. On en prendra comme ça, inshallah. Je vous donne un verbe et vous me donnez le madhi, le mudhari et l'amr. Étudier. Très bien. Casser. Kassara, yaksiru, iksir. Laver. Rasala. Yarsilou. Très bien. Irsil. Très bien. Remercier. Shakara, Yashkuru, Oshkur. Très bien. T'as compris le Amr comment? Se prosterner. Sajada, Yashudu, Oshud. Très bien. Comprendre. Fahama, Yafimu. Répète. Fahama, Yafimu. Là. Fahama, Yafimu. Fahima. Fahima. Fahima, Yafimu. Yafhamu. Fahima, Yafhamu, Ifham. Ifham, Taïb. S'asseoir. Très bien, tuer. Très bien. Savoir. Très bien. Apprendre. Yahfadou, c'était bien. Yahfadou. Très bien. Cuisiner. T'as en affaire, non? Darasa, c'est toi qui. Tabaha, yadbahu, idbahu. Non. Hein? Inch'Allah, on commence. On a compris, Inch'Allah, le Darasa? Oui. Bismillah. À la fin des verbes, entre parenthèses, il y a une règle. On ne l'a pas lu, hein? Hamzat al-Amr. وهمزة الوصف فلا تكتب فوقها أو تحت علامة الهمز إلا في الفعل الرباعي. Tout le monde y est là? Là-bas. Où c'est écrit au marqueur orange? Vous la voyez la règle là? Non. Tout le monde y est? On vient de commencer. Hein? Entre parenthèses, le dernier verbe c'était quoi? Fa'ala yaf'alu, akhada ya'khudu. Tout le monde y est, Inch'Allah? Non. T'as vu? C'est bon, Antoine? Tout le monde dit? Il vous dit quoi, barakallahu fikoum? Hamzat al-amr. Wa hamzat al-wasf. Fala tuktab. Hein? Fouqaha ou tahta alamat al-hamza. Vous le voyez ça? Non. Hein? Entre parenthèses, il vous dit quoi? Dans l'impératif et hamzat al-wasf, tu ne mettras pas ce signe. Ce sera une erreur, ça. Par exemple, quand tu vas dire otrol, tout le monde dit? Tu n'écris pas al-hamza avec. C'est-à-dire là-bas, avec l'hamza, tu mets au troll. Vous faites, Inch'Allah ? Regardez bien, Allah ybarik fikoum. Très bien, s'il y a un exemple, là. Regardez. Regardez, prenez le texte. Comme ça, même ceux qui vont écouter la cassette, ils vont l'exemple d'eux-mêmes. Prenez la deuxième parole du mudarris. Tout le monde y est ? La première parole, alaykoum salam. Man bilbab. Tout le monde y est ? Ana talibun jadid. Mada qala al-mudarris ? Otrol, tout le monde y est? Otrol, est-ce qu'il y a une hamza en haut? Vous avez compris là? C'est-à-dire le signe. Il n'a pas mis el hamza. Ça, c'est une faute, ça. Que beaucoup font. Qu'il ne faut pas faire dans la dictée. Tu ne mets pas otrol et tu écris ça. Là. C'est-à-dire si tu écris une lettre, tu mets otrol de cette manière-là. Tout le monde y est avec moi là? Hein? Tu ne mets pas le hamza. Hada ma'ana. Et c'est la même chose. Et je lisse en bas. Tu ne mettras pas ça. Ou idhab. Tu ne mets pas le hamza. C'est-à-dire, tu laisses quoi? La barre comme elle est. Hamzat al-was. Hamzat al-amr. Et la même chose. Après, il nous a dit quoi? Barakallahu fikoum. Hamzat al-was, on va en trouver dans le texte. Il y en a un. La phrase d'après. Masmuka, na'am. Ou également, masmuka. Taïb. Non, mais moi je voulais quelque chose d'autre aussi. Hamzat al-wasl. Taïb. Alim, vous avez bien compris ça, Inch'Allah? Alors, dans comment? C'est-à-dire qu'en fait, dans le verbe là, quand on explique l'âme, Eh, Hamzat al-Amr. Non, mais lui, là, il t'explique une règle, Allah. Donc, c'est quoi ? Si demain, t'écris, tu ne mets pas le Hamza en haut. Autrôle est écrit comme ça. T'as vu ? Quand est-ce que tu vas le mettre ? Quand ce sera un verbe à quatre lettres. Et ça, on va arriver, Inch'Allah. T'as vu ? En tout cas, tout le monde l'a vu, la deuxième parole du Mudarris dans le texte ? Autrôle. T'as vu ? Et Masmouk. On revient, barakallahu fikoum. Alors, il dit quoi ? Hamza al-Amr. Wa Hamza al-Wasf, ala taktoub. فوقها أو تحت علامة الهمز. طيب إذا جئت فوقها أو تحتها. لماذا تحتها؟ parce que tu dis اجلس. et en haut tu diras quoi؟ ادخل. et en bas on dit quoi également؟ اذهب. vous avez compris ça إن شاء الله؟ إلا في الفعل الرباعي. الفعل الرباعي on le verra إن شاء الله. hein؟ mais on en a déjà parlé une fois. qui se souvient d'un فعل الرباعي؟ hein؟ par exemple tu dis Si tu dis je fais rentrer un enfant, tu dirais quoi ? Le verbe à la base c'est quoi ? Atrala. Tu diras atril. Là tu vas l'écrire. Al-Hamza. Mefoum, tu dis atril. Mefoum, akrim al-walad. Akrim al-dhaif. Mefoum, parce que le verbe ici c'est quoi ? Un verbe à quatre lettres. Akrama. Mefoum, atrala. Atrala c'est faire rentrer et non pas rentrer. Mefoum, alors si c'est un verbe à quatre lettres, à partir de là tu écris quoi ? Al-Hamza. Mais Foum, Inch'Allah, qui n'a pas compris, je répète une dernière fois, Abdelhamid. C'est compris ? Tout le monde a compris, Inch'Allah ? Kamel ? Je n'ai pas su le début, mais je ne sais pas. C'est ça le début. C'est ça, bah, j'ai compris. Bah ouais. Bah, c'est... Alors t'as compris. Dis-moi, t'as pas compris, Allah. Tout le monde a compris, Inch'Allah ? Taïb ? Bismillah, les frères. Ta'amul mayali. Oktoub al-Dars. Moi, c'est un peu mal écrit. Taïb ? En dessous, c'est ça? C'est Yahamidou? Oui, Yahamidou. Moi j'ai pas. Toi aussi, c'est ça, Yahamidou? Tu vois, je peux regarder. Non, mais il y en a avant. Oktoub al-Dars. Non, Oktoub al-Dars. Il y en a. Oktoub al-Dars. On l'a pas lu? Si, tu l'as lu. Non, je l'ai lu maintenant là. Ça vient, Néa. On l'a avec lui. Ça y est. Tout le monde y est, tout le monde y est. Ta'amul mayali, oktoubi dars. Là, c'est quoi ? Si tu fais la liaison, tout le monde la connaît cette règle. Hein ? Sinon, c'est oktoub, fi'l amr. On a le dars, iltiqa, sakinan. Mefoum, deux secondes se sont rencontrées. Si tu veux lire directement, oktoubi dars. Mefoum, Inch'Allah. Iqra il Qur'an. À la base, c'est quoi ? Iqra. Hein ? Iqra il Qur'an. Ijrab il qahwa. Il'abi el an. Adon, Inch'Allah, c'est compris ça. C'est les dars du 1, ça. Taïb. Oktoub. Tout le monde dit Ya Hamidou Oktoub. Mais faux ? Regardez bien, t'as pas dit Ya Hamidou Oktoub. Comme en quelque sorte, le was, tu avales. Ya Hamidou Oktoub. Ejlis. Taïb. Otrul Wajlis. Maintenant, si tu veux dire à une personne, hein, il frappe dans ta chambre, tu dis Otrul Wajlis. Là, tu as dit Otrul Wajlis. Là. ادخل واجلس افهم قال لي ابي افهم طيب ان شاء الله كل مره كومبري اقرا ما يلي مراعيا قواعد النطق الهمزه الوصل وقواعد النطق الحرف الساكن عندما يلي الف واللام طيب ليجيرسيس سي كوا بارك الله فيكم il demande de bien lire ce qui va suivre en prenant compte de quoi hamza al wasl طيب on prend le premier déjà on dira quoi كل واشرب Mais faut, pourquoi ? Car il y a une liaison. Tu dis pas cool wa ishrab. Cool wa ishrab. T'as un des cas, Mohamed. Iqra il darsa wa fhamhu. Très bien. Ah, là, on a deux règles. Iqra i. À la base, c'est iqra, sukun. On a fait une liaison. Iqra il dars wa fhamhu. Mais faut, mada ? Ah, c'est, au début, c'est un peu difficile. Ah, comme c'est nouveau dans la lecture. T'as bien, Inch'Allah. Iqra il darsi, darsa wa fhamhu. طيب وسيفان يقرا واكتب احسنت اقرا واكتب اخرج والعب احسنت اخرج والعب اذهب الان لا بك لا ليزون اذهب الان اذهب الان وارجع وارجع وارجع نعم اكتب الان اذهب اذهب الان وارجع بعد ثلث الساعه بعد très bien c'est bien comme t'as dit بعد الثلث ساعة طيب اذهب الان وارجع بعد الثلث الساعه ان شاء الله demain fera ce vendredi essayez de bien apprendre le mudari' des verbes comme ça ça vous permettra de bien ça vous facilitera l'amr au suivant افتح المذياعه واسمع افتح المذياعه افتح المذياعه واسمع واسمع الاخبار نعم هكذا طيب تفضل الميديا سي لا راديو نعم c'est-à-dire mets la radio en route et écoute les informations au suivant c'est de l'impératif waftahha khud hadi alhaqibata waftahha inchallah tu as compris là c'est quoi le ha et le ha ça veut dire quoi ça c'est le verbe fataha et le ha c'est quoi le ha alors cartable hein c'est comme si tu disais quoi خذ هذه الحقيبة وافتح الحقيبة voilà mais on utilise le damir pour raccourcir la phrase au suivant très bien اذهب الى المدير واساله Très bien. Allah Ta'ala li Yahya alayhi salam Ya Yahya khuzil kitaba bi quwwatin. Très bien. Ya Yahya khuzil kitaba bi quwwatin. Naam. Wa qala Ta'ala li Adam alayhi salam Wa qala Ta'ala li Adam alayhi salam Ya Adam uskun anta wa zawjuka al-janna. طيب tout le monde a compris inchallah طيب اقرا ما يلي grand 7 يا حامد اذهب طيب يا اخوان اذهبوا يا امينه اذهبي يا اخوات اذهبنا طيب ici vous a donné quoi 4 personnes à qui on peut utiliser l'impératif mafhoum tu dis pas une personne qui n'est pas présente يا امينه et tu parles d'elle tu dis يذهب تذهب هكذا مفهوم Ça, on le verra. Quand on voudra donner un ordre à une personne non présente, on utilisera un autre outil. Mais l'amr, l'impératif, la personne, elle est face à toi. Attention, regardez bien ce que je dis. L'amr, pour l'utiliser, la personne, il faut qu'elle soit face à toi. Mais donner un ordre, on le verra, on pourra le donner à une personne qui n'est non présente. Vous avez compris la différence là ou non ? Hein ? C'est-à-dire, l'autre temps, ce sera quoi ? Ce ne sera pas du amr. En lui-même de l'impératif. Mais faut, ce sera peut-être Medzoum, Billam el Amr. Par exemple, Mohamed, il arrive, il me dit El Walad al Albab. Mada Kullao, Faliyat Khul. Mais faut, Hakada. Vous avez compris là ? Il est non présent. Hakada. T'as Mais sinon, si tu veux utiliser l'impératif qui est l'Amr, il faut que les personnes elles soient face à toi. Anta, Tadhab. أنتم تذهبون أنت تذهبي أنتن تذهبن طيب il nous manque une personne c'est quoi le duel طيب أنتما تذهبا طيب si vous voulez le mettre بارك الله فيكم طيب tout le monde a compris inchallah et le verbe devant vous il est مجزوم طيب علامة الجزم ici c'est quoi dans l'asl on avait dit quoi السكون يا إخوان اذهبوا علامة الجزم سي الحذف النون allez celui qui a compris ça maintenant c'est bien sinon à la fin du 2 inshallah il y aura un tableau spécialement que de ça طيب آمينة اذهبي c'est la même chose on a supprimé quoi le نون sinon à la base on disait quoi آمينة أنت تذهبين وليا فاعل يا أخوات اذهبنا ici il est مبني ça veut dire il ne bougera pas C'est-à-dire, s'il ne bouge pas, comment on va le reconnaître ? Ah, Sami. Non, s'il ne bouge pas. Ouais, par exemple, moi, je vois des heures, je dis « Antunna tadhabna ». T'entends ? Non. Hein ?« Antunna tadhabna al-an ». Et je dis à des sœurs « Antunna idhabna ». Les deux ont la même terminaison. Comment on sait que ça, c'est du « amr » et ça, c'est du « mudara'na », par exemple ? C'est parce qu'on est obligé de rajouter ce qu'il y a avant. On est obligé de rajouter « anti » ou « antunna ». Non, un tunna, dans les deux j'ai dit un tunna. Un tunna. Ouais, les deux. Je répète. Non, tu vas trouver, Inch'Allah. Concentre-toi. je dis à des sœurs là, Antunna tadhabna al-an. Tu me suis? Non. Et je dis aux mêmes sœurs, Antunna idhabna al-an. Il est où l'impératif ici? Idhabna. Comment tu as reconnu? Par rapport au Hamza. Al Hamza également, on a supprimé quoi? La lettre du Mudhara. Mais fom, Antunna idhabna. C'est vrai qu'il y a la même terminaison, mais il n'y a pas le même début. Mais fom, hada. Au cas où si ça pouvait vous faire quoi, une confusion, faites attention à ces choses-là qui sont pointilleuses. Il y a la même terminaison, mais tu regardes le début du verbe. Al-Mudhara, on dit quoi? Antunna tadhabna. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il y a encore le harf du Mudhara. Mais l'impératif, il y a quoi? Il n'y a plus, regardez bien, Allah ibarak fikoum. On dit quoi? Idhabna. C'est-à-dire, même si la terminaison, c'est la même, mais le début, grâce à Allah, vous avez vu quoi? C'est pas le même. C'est que devant nous, on sait que c'est de l'impératif. Pourquoi? On a supprimé al-harf al-mudhara. Alors que l'autre, c'est quoi? Tadhabna. Et ça, inshallah, notez-le. Comme ça, si vous l'enseignez, inshallah, c'est des choses qui permettent à un débutant de voir la différence. Me faut madame, inshallah? Barakallahu fikoum. Taïb. Et ça, prenez-le dès maintenant. Car vous allez trouver, on va, après dans le mudhara, on va retrouver idhabu, idhabi. Ou également, le nul, il va être supprimé. C'est-à-dire, si dès maintenant, tu n'as pas compris ça, tu vas le mélanger dans Al-Mansoub. C'est pour ça, négligez pas la révision. Ya ayyuha at-tullab, udkhulu al-fasla, wajlisu, waktubu ad-dars. Taïb ? On s'est arrêté où, là ? Ça, c'est de la lecture. Tfaddal. On fait le 2. Ukhruji, ya bintu, wal-abi, ma'a. Ma ourtika. Okay. Parce que tu parles à une fille. Non. Au suivant. Non. Koulou washrabou. Au suivant. Ishribna. Ishribna, non. Kahwata. Al-kahwata. Kahwata, ya. Akhawati. Très bien. Barakallahu fik. Ta'ali ya amina waftahi al-nawafil. Non, prononcez un petit peu pour qu'on sente quoi que c'est le ya de quoi al-mukhataba lil mu'annath. C'est compris ça inshallah? Hein? Le fait de dire iftahi, parce que plus tard inshallah à la fin du 2, on va trouver certains verbes, ils vont finir avec une kasra et ce sera pas du féminin. Me faut si je te dis à toi lance, je dirais comment? Ermi. Il y a le son, la kasra. Mais on a supprimé quoi? Le ya du verbe. Pour ça, prolongez un tout petit peu. Il habi. Il habi. Me faut? Le ya qui est le sujet. Me faut? Tout le monde a compris ce ya là? Hein? Ben, si vous avez tous compris, sachez que ça, c'est quoi? Un des signes qui vous permet de voir que c'est du fa- de l'impératif. Min alamat al-amr, al-ya al-mukhataba. Moi, je ne voulais pas trop parler de ça, mais je vois que tout le monde a compris grâce à Allah, alhamdoulilah. Ça, min alamat al-fil al-amr, al-ya al-mukhataba. Taïb. Au suivant. Irsilu wujuhakum wa aydiyakum. Très bien. Ta'budna Allah wa tudu lahu. Très bien. Irsilu wujuhakum. Il l'a lu, le frère, toi c'est le 8. Thamen. La ligne d'en dessous. La ligne d'en dessous. Ya'budu. La ligne d'en dessous, d'en-dessous. En dessous de Irsilu, comme t'as fait, comme t'as dit. Il va trouver, Inch'Allah, regarde. A'boudou, ba'd al-dars, là. Très bien, il a'boudou, ba'd al-dars. Au suivant. Pourquoi t'as changé? Kitabaka. Khoudi, pourquoi? Regarde, Ya Suad. C'est bon? Pourquoi? Taïb, c'est bien. T'as dit qu'il... le verbe ici. Hein? Mf'ulbi, il est pas avec une kasra. Le mot, il s'arrête où le mot là? Kitabun. Taïb, et là, comme il est mf'ulbi, khoudi kitaba. Taïb, on a un kaf ici. tu vas dire kitabaka ou kitabaki? Si tu me dis ça, tu me dis pourquoi? Kitabaki. Limada? On parle à une sœur, voilà, ya su'ad. Le fond, hakada. Khoudi kitabaki ya su'ad. Ahsant, au suivant. Très bien. Grand 8 ans. Va fil farag fi mayali fi'l amr. Taïb, menace. Je te demande de mettre quoi? Un verbe, un impératif qui convient. Même si c'est écrit, lisez. Non. Pourquoi t'as choisi iqra'i? Et non, mais c'est juste pour moi, si vous comprenez. C'est quoi qui t'a permis de dire ça? Là, parce que t'as trouvé ya Maryam. Allah ybarik fik. C'est ça que je voulais que tu me dises. T'as dit? Iqra'i al-Qur'ana ya Maryam. Au suivant. Ya awladu. Ushrubu. Kulu al-Khubz. Ya awladu kulu al-Khubza wa. Wa shrubu. نعم ادخل من الفصل يا موسى ادخل من الفصل سي بوسيبل اخرج بتو من الفصل يا موسى طيب اخرج من الفصل يا موسى سيفون يغسلنا وجه لا وجوهكن وجوهكن وايديكن كن بالصابون. Très bien, barakallahu fik. C'est un mot à prendre, ça, non? Mousse, ça veut dire rasoir. Ihliq. Ihliq ra'asaka. Ihliq ra'asaka. Bilmous. Naam. Ihliq ra'asaka bilmous. Je ne vois pas c'est quoi le mot qu'il y a ici. Ici, c'est akrab, scorpion. Akrab. لا عقرب عقرب عقرب اقتل très bien هذه العقرب يا ابي très bien احسنت اقتل هذه العقرب يا ابي au suivant قال خالد لزميله زكريا ما معنى هذه الكلمات قال زكريا انا لا ادري سال المدرسه اسال المدرسه très bien يقطع اللحم بذاك السكين الحد يا خديجة يا خديجة. Très bien. الحد ça veut dire aiguisé, hein, bien aiguisé. Comment? Ouais, tranchant, bien. C'est-à-dire le fait qu'il soit bien aiguisé, il est tranchant. D'ailleurs. اكتب اسمك على دفترك. اكتب اسمك. على دفترك يا عبد الرحمن. نعم. C'est bien, c'est bien. Qalati. Là, c'est qui va le dire là, Yahwabi? Idhabna. والمجلات ثم رجعنا الى الفصل بعد نصف الساعه très bien 11 بسم الله الرحمن الرحيم منديلك منديلك منديلك واسخ جدا فاغسله نعم tout le monde a compris inchallah hein? C'est-à-dire vous avez fait attention à quoi là? C'est-à-dire que vous avez bien vu que l'amr il est basé beaucoup sur quoi? Sur le mudhari. Hein? Si certains ils ont eu des difficultés à le lire, c'est pas qu'ils ne savaient pas. C'était le mudhari les embêtait. Mais bon, c'est-à-dire si tu dis dahaba, automatiquement ça vient automatiquement. Yadhabu, idhab. Mais bon, madame? T'as ta'amil mayali, aqsam il fi'al thalatatun, madhi wa mudhari wa amr. Ah, l'aïta dit que le verbe il est en trois parties. Al-madi, al-mudara, wal-amr. T'as vu? Et on a dit que le mardi c'était quoi? Muhammadalla ala husul shay qabl zaman takallum. C'est une chose qui s'est produite avant que tu parles. Dhahaba fi zaman al mardi wal mudhara fi zaman al takallum ou ba'd. Il faut wal amr, ce sera quoi? C'est une chose que tu demandes. Huwa ma yutlab mala husul hadha shay ba'd zaman al takallum ou aidan ma'a al dawam. Vous vous souvenez de ça? Taï, dhahaba, yadhabu, idhab. Al-kalimatu al-jadidatu, aqrabun jam, aqarib, scorpion. Na'sanu mu'annath na'sa, endormi. Yadun jam, aidi, al-aidi, ma. Midia' c'est la radio. Moussa, rasoir, mousse. Taï, nazara, yandhuru, regardez. Tabakha, yatbakhu, yatbukhu, cuisiner, abada ya'budu adorer, mana'a yamna'u empêcher, hida'un jam ahdiya sandales, chaussures, kaubun jam akwab verre, taïb, zauj li mudhakkar wal mu'anneth. Ça veut dire quoi ça? Tu peux dire zauj époux, mari ou épouse, me faut. Et en regardant dans le dictionnaire, j'ai trouvé un mot. Par exemple, ils disent ta'addud al-azwaj ou muta'additun al-azwaj. Ils ont employé un mot qui est faux. C'est pour ça certains dictionnaires, il faut faire attention. Ils traduisent des mots qui sont à l'encontre de l'islam. Par exemple, ils disent quoi? Quand ils te disent ta'addud al-azwaj, ça c'est quelqu'un de la polygamie, c'est quoi? Un homme qui a plusieurs femmes. Et eux, ils ont mis quoi? Le féminin, riyadan billah. Une femme qui a plusieurs. Et ça, c'est quoi ça? C'est pas un mot ça. Ça, c'est de la fornication ça. Mais bon, c'est pour ça, faites attention. Ça, c'est des mots jolis qu'ils emploient, mais en réalité, c'est celle qui a plusieurs hommes, c'est quoi? Une fornicatrice. Et les quatre autres, c'est quoi? C'est des fornicateurs. Mais bon, dans l'islam, il n'y a pas ça. Barakallahu fikoum. Pour ça, faites attention. Certains dictionnaires, il y a des mots comme ça. De temps en temps, tu trouves même du half bighayrillah. Hein? Ils jurent autre qu'Allah. Ça, il faut le barrer. Taïb, c'est un munkar. Non. Non, zauj, tu peux l'utiliser pour les deux. Ça veut dire, zauj, tu peux dire mari et en même temps l'épouse. Me faut. Vous avez compris? Par exemple, toi, tu dis zauj fait le bait. Maintenant, l'épouse. Et si c'est l'épouse qui dit zauj fait le masjid, maintenant, l'époux. Me faut, madame? Voilà. T'as pas compris? Si, j'ai compris parce que j'ai toujours entendu. Non, mais bien sûr, mais après, comme je dis il y a quelques jours, ce qu'on entend ici de temps en temps, ça va. C'est pas forcément toujours ce qui est vrai. Non, Zawjatoun, là, c'est clair, c'est féminin. Parce qu'il y a le Tamarbota. Si la une sœur a dit Zawjatoun, Zawjati fait le bait, la sœur, elle a mal parlé, là. C'est-à-dire, Zawjatoun, elle doit dire Zawji. Le fait qu'il y a le tamarbota, on sait que c'est quoi? C'est l'épouse. Mais zauj, on peut l'utiliser pour le masculin qui sera quoi? Le mari. Et pour le féminin qui est quoi? L'épouse. Mais moi je vous ai ramené quoi? Barakallahu fikoum, cette faïda par rapport à quoi? Certaines choses qui sont traduites dans certains dictionnaires, de temps en temps, c'est pas des moustakhim, des gens droits dans le din. Et alors ils mettent des choses comme ça. Et ça, quand j'ai vu ça, il faut en parler. Parce que ça, c'est pas bon. Comment? Une femme qui a plusieurs époux. Munkar. Ça, c'est de la fornication, ça. Me foum. Alors que dans l'islam, naam, un homme a plusieurs femmes. Me foum, 4 maximum. Taïb. Barakallahu fikoum. Taïb. Après, on a quoi? Jaou, c'est le temps. Moudlimoun, sombre. Sakata, yaskoto, le verbe taire. Se taire. Qata'a, yaktao, couper. Alima, ya'lamo, savoir. Ada ya'udu, là ce serait solliciter la protection de quelqu'un. Taïb. Pour ça tu dis a'udu billah min ash-shaytan ar-rajim. Mafhoum? Jannatun, comment? J'entends pas ce que tu dis. Chercher protection, t'as dit. Comment? T'as dit chercher protection. Naam, solliciter ou chercher. Jannatun jam' jannat, paradis ou jardin. Mafhoum? Il y a pas de mal. Janna, il peut être à la base qui vient à l'esprit, c'est le paradis. طيب الجنة طيب et le jardin Sautun jam aswat, qui est quoi? Les voix. Gharib jam ghuraba, étranger. Kanasa yaknusu, balayer. Jama'a yajma'u, rassembler. Halaqa yahliqu, raser. Vous voyez, on a dit raser les cheveux ou le pubis ou les aisselles. Non. Tout le monde a compris ça, Inch'Allah. On a fini les trois temps grâce à Allah. Al-Madi, Al-Mudara' et Al-Amr. Révisez bien ces trois temps-là. Barakallahu fikoum, le frère.